Je passai plusieurs jours à me livrer uniquement au plaisir de l'indépendance et de la curiosité. J'allais, errant dedans et dehors la ville, furetant, visitant tout ce qui me paraissait curieux et nouveau. Et tout l'était pour un jeune homme, sortant de sa niche, qui n'avait jamais vu de capitale. J'étais surtout fort exact à faire ma cour, et j'assistais régulièrement tous les matins à la messe du roi. Je trouvais beau de me voir dans la même chapelle avec ce prince et sa suite. Mais ma passion pour la musique, qui commençait à se déclarer, avait plus de part à mon assiduité que la pompe de la cour, qui, bientôt vue et toujours la même, ne frappe pas longtemps. Le roi de Sardaigne avait alors la meilleure symphonie de l'Europe. Sommi, Desjardins, les Bezozzi y brillaient alternativement. Il n'en fallait pas tant pour attirer un jeune homme que le jeu du moindre instrument, pourvu qu'il fût juste, transportait d'aise. Du reste, je n'avais pour la magnificence qui frappait mes yeux qu'une admiration stupide et sans convoitise. La seule chose qui m'intéressa, dans tout l'éclat de la cour, était de voir s'il n'y aurait point là quelque jeune princesse qui mérita mon hommage et avec laquelle je pusse faire un roman. Je faillis en commencer un, dans un état moins brillant, mais où, si je l'eusse mis à fin, j'aurais trouvé des plaisirs mille fois plus délicieux.